2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Prune 92 FM. Boum boum mo, musique française et francophone curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune 92 FM. Ce soir, nous recevons à distance Dr Teuf, a.k.a. Lucien Moulec, a.k.a. MLC, a.k.a. DJ Wagon Bar. C'est son nouveau blaze, c'est ainsi que l'on appelle désormais celui qui a un pied à Nantes et un pied à Bruxelles, entre la Bretagne et la Belgique donc, pour ce membre du collectif Outside, dont la présence est toujours très précieuse sur un dance floor, qu'il danse ou qu'il mixe. C'est la promesse d'un grand spectacle. DJ Wagon Bar nous offre pourtant une autre facette de son personnage pour cette 223e émission. Sa sélection est très largement influencée par la chanson française, les rythmes brésiliens. Il y aura un tout petit peu de musique électronique. C'est un très beau voyage. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir la sélection de 13 morceaux de DJ Wagon Bar. Bonne écoute. À la semaine prochaine. Dis-moi, cette télé, c'est vraiment n'importe quoi. Ah bah tu vois, j'ai bien aimé, moi. Oh bah toi, bien sûr, dès qu'il y a une femme nue quelque part. Oh, il fait chaud. Ah oui, il fait chaud, oui. Tiens, j'en fais autant. Mais tu te mets nue? Oui. Ah ben moi aussi, t'as. Bien fait. On sent pas des seuls, remarque. L'autre jour à la télé, ils l'ont dit dans l'émission. 45% des Français couchent à poil. Oui, et après ils s'étonnent d'avoir des rhumatismes. Oui. Oh ben, c'est un brevet de longue vie. Ils l'ont dit aussi. Ils l'ont dit aussi, j'ai entendu. Ils l'ont dit. Dis-moi. Quoi? On essaye. Mais quoi? D'avoir des rhumatismes. Oui. Tu es bête. Mais je t'aime bien. Moi non plus. Serge. Oui. Éteins. Ah bon, tu... Éteins. Tu veux que j'éteigne, ouais, déjà? Oui. Bon. Voilà. Plus j'y repense et plus je trouve qu'elle était drôlement bien roulée, la petite à la télé. Encore? J'aurais 20 ans de moins, je te jure que... Ah oh bah, t'as tort de rigoler. Elle te ressemblait, d'ailleurs. Oh bah merci. Mmh. Ah non, j'étais mieux qu'elle. Oh, c'est à voir, quand mais même. Mais c'est tout vu. Ça, chez moi, c'était mieux. Quoi, ça? C'est ça? Oh, ça peut-être pas. Mais ça, sûrement. Ah, tu parles de ça que je tiens, oui, là? Oui, non, là, je savais. Hein? Ah oui, ça, peut-être, oui. Et ça aussi, hein? Quoi, où? Ça, là, non, là, ça, là, non, là, là, là, ça, ça, oui. Ça, oui. Là? Oui, rappelle-toi, alors. Ah, hein? Oui, ça, je dois dire, c'était pas mal. Je me rappelle. C'est pas drôle, écoute. Tu me chatouilles. Tu dis que c'est pas drôle, mais tu rigoles quand même. Hein? Ah, tant pis pour toi, je t'en fais autant. Ah. Allez. Arrête. Non. Arrête. À quoi ça t'avance? Rien, c'est bon. Hein? Qu'est-ce qui est bon? Mais de rigoler. C'est toujours ça. C'est toujours ça de prix. Oui. Oh, viens. Et ça? Oh ben ça alors. Oh, j'y croyais plus. Ah, moi non plus. On a bien fait d'en parler, tu vois. Dis-moi, Jane. Oui. Mais le rectangle blanc, hein. Oui. Mmh. Oui. Mmh. Tout au bout de la terre, si je pense à tout ça, je voudrais me trouver là-bas. J'ai envie de vivre mon amour jusqu'à la tombée du jour, jusqu'à la tombée du jour. Une fille qui s'en va ne fait jamais de musique. Je ne sais pas si mon cœur est granit ou tendre comme l'eau qui arrive comme toi. Quand tu viens près de moi, si je t'imagine plein de soleil, de sable roux, j'ai envie de vivre mon amour jusqu'à la tombée du jour, jusqu'à la tombée du jour. Mais je suis là et le temps écrit, mais je suis là. Si je pars le matin pour une éternité, pour voir de loin le grand soleil se lever, les fleurs se balancent, on voit par transparence les rochers qui ressemblent à de l'armaïa. Oh que j'aime la Ave Maria, j'ai envie de vivre mon amour jusqu'à la tombée du jour, jusqu'à la tombée du jour. Et quand je reviens le soir, un peu de sable mouillé se colle à moi et ne veut plus me quitter. Les fleurs se balancent, on voit par transparence les volets se fermer. Si je pense à tout ça, je voudrais me trouver là-bas. J'ai envie de vivre mon amour jusqu'à la tombée du jour, jusqu'à la tombée du jour, jusqu'à la tombée du jour, jusqu'à la tombée du jour. Comme le mal de mer, ça mène tout à l'envers. À y partir comme les petits oiseaux. Oh, oh, oh, quand vient l'hiver, on a les roues chaudes. Oh, oh, oh, oh, m'en aller pour de bon. Là où on n'a plus la sensation d'avoir les pieds sur terre. Se couche au pied des lacs western, t'entendre dire ces mots, te quiero mucho, et retrouver sur ta bouche un goût de tequila. La la la la la la la la la. Partir pour Acapulco. je crois ce soir-là. Qu'est-ce que tu fais sans moi à Acapulco? Oh, dis-moi ce mot. Je savais pas. Quand je pense à toi, j'ai chaud, blotti dans mon poncho. Mais serais-tu encore le même quand on se reverra? Penses-tu encore à moi à Acapulco? Y'a des colorants pas marrants, du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes, pauvre beefsteak. La petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Oh, y'a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sous le bitume. T'as beau pas être beau, oh, oh, oh, oh, monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, oh, oh, oh, oh, j't'aime, t'aime, t'aime. Y'en a qui dégainent leurs pétards pour une poignée de dollars. Y'a des bombas et des bombages qui jouent à cache-cache. Y'a le KGB, y'a la CIA, le gros Idi Amin Dada, oh. Du sang à la une des gazettes, pauvre planète. Oh. T'as beau pas être beau, oh, oh, oh, oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, oh, oh, oh, oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Faut dire qu'il y a quand même des mecs qu'on dit soleil, j'ai, j'ai, j'ai. Dans la tête, j'ai, j'ai, j'ai. Sur ma planète. Des mecs qui pensent pas que c'est chacun pour soi, qui se tendent les bras sur ma terre à moi. Faut pas être beau, oh, oh, oh, oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J'étais dans la peau. génération. De conscience minimale, bientôt fixée sur leur sort. Car il n'y en a pas de même qu'il n'y a patriarca, patriarca, patriarca, patrie, patriarca, patrie. La maison, comme dit Angèle, il me semble, j'ai tort peut-être, je l'adore. Des amis viennent, je peux les toucher, je suis triste et émerveillée. Le silence, je garde le silence, j'habite là, je le peux. C'est la dernière maison de la terre. À l'intérieur, il y a des arbres, de l'herbe, des ruisseaux. Dehors, du carreau, des murs, du béton, sur toute la terre. Tu n'as pas froid, la terre va encore se refroidir. Réveillons, réveillons, c'est le réveillon. Réveillons, c'est le réveillon. Réveillons nos soleils. Réveillons nos soleils. Ne suis-je pas prisonnière dans ma propre maison, dans la maison des hommes? Ne suis-je pas prisonnière depuis le jour? Foutez-nous la paix d'abord. Elle sera notre enfant. Comme quand on était petit. Tu n'es pas venu pour me tuer. Alors ne me tue pas. Tu aurais trop peur. Tu aurais trop mal. Tu dois te bâtir des tombeaux blindés. Mais la bombe atomique, c'est toi qui l'as inventée en douille. Écoutez-nous. Croyez-nous, c'est le matin. Le matin, c'est le matin, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est le matin. Demandez le matin. Demandez maintenant. À la question, l'accusé est-il coupable des faits? Le jury décider de répondre non. à vouloir faire la fête. Mais c'était la semaine. Fallait pas faire de bruit. Pas de super partie. Faut penser aux voisins. Faut penser aux voisins. Faut penser aux voisins. fraîche, toi tu dois partir à la recherche, à la recherche des merveilles, de toutes ces merveilles sensorielles. Tu rêves, tu t'éveilles au 21e siècle. Danse encore, danse encore, danse encore, oui. Danse encore, danse encore, danse encore, oui. Tu veux vraiment que la musique vienne, que la musique soit comme du miel. Qu'elle s'enroule pour que nos corps s'élancent, qu'elle s'écoule dans nos veines éternelles. Dans son corps, dans son corps, dans son corps, dans son corps, dans son corps, dans son corps. Légère, légère, pareil à une abeille. La puissance de l'imaginaire nous entraîne sur un rythme effréné. La condition humaine, c'est marcher sur un fil au-dessus des falaises. Dans son corps, dans son corps, dans son corps, oui. Dans son corps, dans son corps, dans son corps, oui. Dans son corps, dans son corps, dans son corps, oui. Dans son corps, dans son corps, dans son thank you. soirée d'automne. À mes pensées soudain je m'abandonne quand sonne le téléphone. C'est ta voix, je me doutais bien que c'était toi. Je vais te faire entendre une chanson, surtout ne bouge pas. Je mets l'écouteur près du haut-parleur. C'est une histoire de cœur un peu bidon. Tu comprendras si t'es pas trop con. Les yeux ouverts pleins de soleil, كنا متعاونين راح تولت لينا ليام الزين امير كنا متعاونين راح تولت لينا ليام الزين امير كنا متعاونين مير كنا ها هما جاو صحابي وجيراني مون كور يطوب في يدي ميرفي مون كور يطوب في يدي ميرفي و جو روفوا مي زامير دوكور فورماج دي موا لي سوفونير سيفي Je vous aime vers l'amour éternel, mon doux printemps. Et baby, mon meilleur printemps, amour éternel. Yeah, yeah, yeah.